pas papa moi, ou pas maman moi, ou pas c'est moi, ou pas tifoué moi, ou pas zombi, ou pas y est à moi. Dis-moi petit ou les contrôle la vie moi. Même si ou pas famille, même si ou pas ami, ou pas gentil, gentiment, ça me ça au gradi. Fais bon tout ça mani, et puis ma chère tout ni. S'il vous plaît, t'en prie, Kiki, mais touche pas à ma vie. Passionnément, chantez.